après la mort, j'serai là. Je serai là. Même si Dieu nous oppose, je serai là. Et toi t'as cru en moi quand la terre entière me tournait le dos. T'as pas baissé les armes sur le champ de bataille, fait la guerre comme Tokyo. Toi et moi c'est la vida, comme Rio dans la casa. Faire la guerre pour toi je le dois, la loyauté je te la dois. Oh ma Diarabi, Diarabi. Oh ma Diarabi, Diarabi. Protégerai comme ton ombre, je serai ton ombre, faut pas douter. Ils t'ont offert le minimum sans savoir ce que tu valais. Elles ont connu tout tiro, là c'est le cœur de Dimitri qui te parle sans bégayer. Oh ma Diarabi, Diarabi. Oh ma Diarabi, Diarabi. Oh my Diarabi, Diarabi, yeah.